Les deux coups de foudre par G.H. Roniene. Vous savez sans doute, dit le lieutenant Matthew Rockington, ce que les Français nomment le coup de foudre. C'est un amour qui naît subitement à la seule vue d'une personne. Nos héroïques alliés ont disserté sur ce phénomène aussi subtilement que les théologiens sur la double et la simple nature de notre Lord Jésus-Christ. Il y a quelque chose là-dedans. Sans admettre qu'un amour définitif puisse naître aussi vite, je crois qu'on peut sentir une préférence brusque et tellement fascinante que l'amour est pour le moins dans l'œuf. Je pense encore qu'il est logique d'élargir la signification du coup de foudre. Pourquoi n'appellerait-on pas ainsi un penchant né à l'improviste pour une personne qui jusqu'alors nous était plutôt indifférente? Il suffit parfois d'un sourire, d'un mot, d'une attitude ou d'une circonstance. Après ma troisième blessure au pied droit, je vins d'achever ma convalescence à Sandgate, près de Folkestone. Ce lieu me rappelle l'âge heureux que chantaient Madame Barra et une certaine fille de Madame Angot dans une opérette française. Là, chez des amis, je fis la rencontre de ma belle Moonlight, dont la vue me coupa littéralement la respiration. Le vieux Shakespeare n'a rien décrit d'aussi éblouissant. Ma belle est une séduisante fille du royaume de Mab. Je perdis donc le souffle à la première rencontre, la tête pendant les rencontres qui suivirent, et j'acquis bientôt la certitude qu'aucune espèce de bonheur n'était plus possible si ma belle ne devenait pas ma femme. Il fallait la persuader que j'étais fait pour lui rendre la vie agréable, et ça n'était pas commode, car il y avait pour le moins 15 ou 20 jeunes hommes, même des hommes mûrs et déraisonnables, qui essayaient de lui persuader la même chose. J'avais un brin de prestige militaire. Malheureusement, je n'étais pas le seul à en avoir. Sandgate était littéralement infesté d'officiers munis de glorieux témoignages et de belles cicatrices. Ma belle nous écoutait tous à tour de rôle avec complaisance. Elle connaissait son affaire. Elle faisait merveilleusement succéder les douches froides aux douches chaudes. Selon les fluctuations de sa tactique, j'étais ravi, indigné ou désespéré. Ma belle était généralement accompagnée d'une jeune personne un peu taciturne, au visage agréable mais pas du tout joli, qui se nommait Margaret Dean. Nous étions tous gentils pour Margaret, qui pouvait avancer nos affaires. Deux ou trois fois, dans le jardin de nos hôtes, un jardin anglais du vieux temps, plein de fleurs rustiques et de groseilliers, le hasard me fit rencontrer Margaret et nous avions causé assez naturellement. Un jour que j'étais mélancolique, je la vis de loin sur la falaise. Je fis un détour sournois pour la rejoindre. Nous nous trouvâmes seuls, devant cette manche verte et jaune qui, pendant près de 1000 ans, a préservé la Grande-Bretagne des insultes du continent. Une brise s'est élevée. Elle enveloppait Margaret et tirait de ses jupes un bruit de feuillage. On voyait les beaux navires siffler à travers les flots d'émeraude et d'ambre, protégés par ces faucons de la mer que sont les torpilleurs et par ces émouchets que sont les chalutiers. Une émotion soudaine me saisit à la gorge. Quelques mots de Margaret montrèrent qu'elle la partageait. Nous songeons au monstre sournois qui menaçait la reine des vagues. Quand nous revînmes vers Sandgate, je me sentis plein de confiance dans Margaret, et peu à peu, je me mis à lui parler de ma belle. Je finis par poser une question indirecte. Alors, d'une voix douce, qui se voilait un peu, elle murmura « Pouvez-vous rester encore à moi, à Sandgate ?»« Plus longtemps, dis-je. Je ne suis même pas sûr d'être repris pour les services du front, à cause de mon pied. »« Bien, » dit-elle plus bas encore. « Alors restez. Vous n'aviez pas encore de chance la semaine dernière. Maintenant, c'est vous qui êtes préféré. » Je la vis soudain devenir pâle. Elle avait un étrange petit sourire. Le vent rejetait ses cheveux sur son front. Je ne saurais dire combien elle semblait fine, pure et généreuse, ni quelle grâce douloureuse je découvrais en elle. Moins encore pourrais-je exprimer le retournement subit de tout mon être. C'était comme si une créature inconnue venait de jaillir du mystère. Un saisissement extraordinaire me prit, l'impression d'un événement unique, presque miraculeux, qui dominait tout mon avenir, qui me donnait une clairvoyance surhumaine. Un effroi s'y mêla bientôt, l'effroi de laisser passer inutilement cette minute révélatrice, l'épouvante de voir Margaret sortir de ma destinée. Je l'arrêtai doucement par le bras, je lui dis « Je resterai à Sandgate, Margaret, mais je vous en supplie, ne parlez plus de moi à Miss Mabel, ne lui en parlez jamais. Le sens de la vie vient de changer. » Elle ne répondit pas, elle tremblait. Nous nous acheminâmes en silence à travers la prairie toute glorieuse de coquelicots. Chaque fois que je pense maintenant que j'aurais pu ne pas la voir, j'éprouve un sentiment très pareil à celui qui me saisit les jours où j'échappais à un péril mortel. C'était Les deux coups de foudre par J.H. Roni-Aîné.